Bon, pour commencer, sache que charbonne, je te promets gros, je veux pas que mon premier album soit mon album de trop, frérot. Je suis plus ce fait les ivres, je m'efforce de rester clean, pressé de vivre. Moi, je veux plus que l'alcool me cause des problèmes. Je mène ma barque, je fais gaffe à ne plus voir quand ça va mal, à qu'on pardonne ce gros défaut. Peut-être que je me fais des films, mais je crois que la tête reste scénarise nos vies. Et moi, je veux pas que cette garce nous donne le premier rôle, prédestiné à. Non, oublie, j'en ai marre de me projeter trop vite. J'ai décidé de pas penser au futur, de rester vif et sage. Limite de croire au potent, même si c'est vrai qu'il se fait rare ici. Et ciao, bonne, je pose des roses sur la tombe du temps que j'ai tué à faire le con. J'écris ça comme si je faisais plus de 16 après son. La bêtise usait de ma personne depuis. J'ai mieux taffé le son, je crois en ma persévérance. Dans ma sale gueule, ce mot résonne. J'ai hâte que d'autres projets sortent. En même temps, je veux bouger de là. Je ne te doute et je plane, je compte plus les ras-le-bols que je collectionne. Et juste sur l'apparence, je m'en fous si le ras-le-flot que je porte est faux. M'excuse de pas avoir un père qui chaque mois meuf de nouvelle Nike. J'ai peur, je redoute les flammes de l'enfer. Je fonce dans le mur, je dis au cas où tu voulais voir ce que ce gosse fait de beau. Mais j'ai calmé l'alcool, tout comme ce rêve des triches. Car dans les deux cas, l'envie de liquide ne faisait rien d'autre que de me bourrer le crâne. Y'a tant de choses, je regrette tous les mauvais choix et toutes les fois où j'ai merdé. Je voudrais y voir clair sans que je corse le verre. Je paie mon ange gardien et mettre du plomb dans le corps de ce mec. Tout ça n'est qu'une carte postale sans bord de mer. C'est bien beau mais il manque quelque chose pour me faire rêver. À l'heure où ce texte prend forme, je saigne. Je mets tout dans le titre avant que la folie n'emporte le reste. Et vas-y, laisse tourner la boucle, que je rende lisible ma grisaille. Tu verras que sous mon rap se cache une douleur inimaginable. Et je porte lourd péché sur mon dos, mais j'ai le physique pas si large. Beaucoup trop souvent accompagné par mon whisky à 10 balles. Mais ça c'est loin, loin que mon envie tise matinale. Si aujourd'hui je veux plus avoir l'image d'un fils qui s'apitoie. Étant plus jeune, entre l'envie de rire et l'envie de suicide, je m'acclimatais. À l'école trop souvent vu comme le pauvre type qui s'habille mal. Mais nique sa mère, je vais de l'avant malgré quelques litiges. Ça ira, 21 ans, je sors mon album. Je veux pas que mes rimes riches finissent pas être abandonné. La musique, mon exutoire, je m'évade en écrivant ces paroles. Pas besoin de fif ni de Marie-Jeanne pour me sentir plané. Prends le risque d'amener de la maturité. Je vais pas faire du rap vide de sens rempli de wesh si c'est la mi-fa. Non, je veux pas, non, je veux pas, frère. Maintenant, pour qu'on m'écoute, il faudrait que je baisse mon truc ou que je fasse ce petit feat Nabila. Mais je veux pas, non. Je représente une jeunesse des terres qui souffle, les sœurs qui se respectent pas, les futurs feux d'être d'énergie douce. Je regrette, mais je reflète ces mecs qui doutent de que le rap ou la bibi apprivoise. Et puis, de toute façon je vous emmerde tous. Mes paroles c'est que du vent. Faut s'attendre à ce qu'après l'album la tempête souffle. Le temps s'écoule, le rap ne paye pas. Paradoxalement, le mien me permet d'enrichir ma petite life. Et si tu me cherches, je suis dehors, je prends l'air. Souffle, viens d'un gangster. Chouffe, j'ai vécu plein de choses, mais je rappe sans faire le ouf. Je veux rendre fier tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui font qu'au jour d'aujourd'hui ma triste mine a pris l'art. C'est difficile à y croire quand elle seule. Quand tu voulais passer en radio, je voulais passer en visite à Dylan. Et ça devient limite pas vivable à force de me braquer sur moi-même. À l'heure où j'écris ça, j'ai l'impression qu'un geek il m'a pu le crâne. Ouais, je deviens fêlé, paranoïaque. Tu veux me comprendre, mais laisse tomber, t'sais. T'as plus de chances de te péter le crâne à l'eau plate. Pas trop la pêche, hein. En effet, y'a pas trop de quoi. Bref, j'ai la tête, reste un enfer, mais qu'a pas le moral. Et j'reste, reste, narval au de base. En faisant tout pour pas que ma mère que j'aime chiale à chaudes larmes. Ah, tu veux me comprendre, mais laisse tomber, t'sais. T'as plus de chances de te péter le crâne à l'eau plate. Tu me trouves cru, attends que ça pète, attends que je t'explique pourquoi le soir des trucs salants de chaque rêve. Comme Maître Gim, je rêve d'évasion. Mais si ça continue comme ça, comme lui je vais en faire un hit, je me tire une balle dans la tête. Wow, tu m'as fatigué, oh, vas-y, frérot, quoi, moi je vais me tirer une balle dans la tête avec ton son de 10 vas-y, mesures, laisse-moi zéro tranquille, refrain, rien. Laisse-moi tranquille, où, vas-y, t'as qu'à zapper, c'était ah, pas sûr. Vas-y, vas-y, continue. Ouais. Et j'irai nulle part tant qu'à faire. J'aurais tout le temps de regretter ma vie juste avant de la perdre. Moi je suis comme tout le monde, je voudrais la paix sur terre. Voir les mots mourir de faim. Une nouvelle paire de shoes et plus d'argent que la veille. Et quand je me tue le soir, je pense à cette belle femme qu'on appelle solitude. Qui est près de toi quand ça va pas ou quand tu pètes des câbles. Et laissez-moi tranquille, j'ai besoin de personne. J'ai su que je pouvais compter sur elle le soir où elle est venue me voir en cachette. Tu croiras peut-être que j'ai des troubles mentaux. Mais n'aie pas peur, j'ai que des CD à vendre. Pas d'armes prêts à dégainer, planqué sous le manteau, hein. C'est ouf, n'en faut bien. Se rendre compte, les amis se comptent sur les doigts d'une main ou au nombre de trous dans le dos. J'souffle sans trop me plaindre. À défaut tourner en promenade, j'suis libre, c'est juste ma musique qui tourne en tôle. La discrétion d'un cadavre qui coule dans le Rhône, mais pas la naïveté d'un môme aux yeux de qui tout semble beau. 540 ma propre life, je représente ceux qui vont mal, ouais, ceux que la chance n'approche pas, ceux qui s'apprend la cause falche. Louis VHM, celui qui gratte ses peines en crachant chaque punchline. On est 40 sa propre life, 40 ma propre life. J'ai l'amour pour tenir debout, c'est clair, ça change la vodka. À quand la coke light pour ceux qui font gaffe à leur ligne? Le monde va mal, je te le dis, et je trouve navrant que ça choque pas. Yeah. Rien dans scène demande à insensé. Des crames, mais y'en a plein dans ce game. C'est pas parce que le plan B a échoué que beaucoup cherchent un plan C. Errant comme des chiens sans laisse, nous on mouille dans de sales histoires. Pour ça, quand même à sec, on a le caractère bien trempé. Viens, je t'emmène loin de cet enfer. Pas fils de famille riche, plus éloigné du jacuzzi que du bon sang. Yeah, c'est atteint, grand frère. Mais sache que tu seras toujours mon exemple. Qu'on te remette un diplôme ou qu'ils prennent 5 ans ferme. Depuis 10 ans, mon entourage le voit en train de flancher. C'est pas que la vieillesse qui fait que certains sont déjà loin dans le ciel. Envie de rentrer en guerre contre un tas de fils de ch. Mais ça, c'est mes problèmes perso là. Quand je vous parle, je demande un instant de paix. À la tienne, je trinque santé. C'est pas la tâche qu'on tue, quoi, plus normal quand t'es pas sûr d'atteindre la cinquantaine. Et je crains quand même ce qu'on va devenir, sans sortir, sans changer nous-mêmes. Autant vouloir gagner la course tout en se flinquant le pied. Yeah. Là je crois que je me pose trop de questions, et c'est la même chaque fois que j'écris. Pas ça péchique, mes cicatrices sont les seules marques de valeur que je porte. Ciao. Un dernier pour la route. Et là c'est vrai que c'est chiant. Sur ma barque je m'éloigne de ma rive. La mer est assez calme ces derniers temps. Ah. En course contre moi-même j'étais en tête, jusqu'à que je me fasse dépasser par les événements. Sur ma barque je m'éloigne de ma rive. La mer est assez calme ces derniers temps. En course contre moi-même j'étais en tête, jusqu'à que je me fasse dépasser par les événements.